Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1, c'est François Grégoire qui vous parle. Et pendant que vous écoutez bien tranquillement, il y a dans toute la province des étudiants de cégep qui sont dans la frénésie des derniers préparatifs pour participer au concours scientifique intercollégial Sciences on tourne. La finale aura lieu en fin de semaine au cégep de Chicoutimi et Mathieu Riopel, qui est professeur de physique au cégep Garneau, est chargé de projets pédagogiques au centre de démonstration en sciences physiques et est très bien placé pour nous présenter ce concours. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors Mathieu, tu es venu avec des étudiants qui participent au concours. Je les présente donc Alexis Anger et Mathieu Verville. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais commencer avec Mathieu Riopel pour savoir en quoi consiste le concours Science on tourne. Mathieu, en quoi consiste ce concours? Ouais, ben c'est un concours scientifique. C'est pour faire une comparaison avec quelque chose qui pourrait parler aux gens. C'est un peu comme le cégep en spectacle de la science. Donc, c'est un concours au niveau collégial qui s'adresse aux étudiants. C'est aussi un défi qui est à relever. Donc, il y a un défi scientifique que tous les étudiants de la province sont invités à relever. Au niveau collégial. Au niveau collégial. Donc, les polyvalentes sont exclues. Oui, exactement. Ça s'adresse vraiment seulement pour les étudiants de cégep. D'accord. Et puis, ce concours-là, c'est un défi qui est parfois un peu ludique, mais toujours assez complexe pour permettre toutes sortes d'inventions, puis permettre de la créativité dans les façons de résoudre le défi, de résoudre le problème qui est lié au défi. Donc, c'est essentiellement un défi qui doit être relevé. C'est ça, comme tu dis, effectivement, c'est un défi qui en fait, détermine c'est le défi. Il y a un comité? Il existe un comité scientifique qui conçoit un nouveau défi à chaque année. Ça fait 27 ans que le concours existe, puis à chaque année, il y a eu un défi différent qui a dû être relevé. Puis, donc, c'est ça, il y a un comité qui est en charge de tout ça, qui le tient secret jusqu'au lancement qui est effectué à la mi-janvier habituellement. Le défi est connu à partir de ce moment-là. Puis à partir de là, ben, les étudiants de tous les cégeps commencent à travailler, à imaginer des solutions au défi. Mais le défi, évidemment, c'est un défi différent à chaque année. Est-ce que les difficultés du défi sont à peu près constant d'une année à l'autre, ou il y a des années où c'est plus difficile que d'autres? Il y a des années que, ça fait plusieurs années que je vois des défis passer, puis il y a des années que c'était particulièrement difficile. Il y a des défis parfois qui demandent d'utiliser de la robotique, de l'électronique, parfois des défis où est-ce qu'on peut pas utiliser d'électricité, donc on peut pas utiliser d'électronique. Cette année, c'est beaucoup un défi qui est mécanique qui est proposé, on en reparlera, là. Mais c'est de cette nature-là cette année. OK. Et si on revient un petit peu du côté de l'histoire, ce concours, ben écoute, ça fait quoi, 26 ans, je pense, qu'il a lieu? Ouais, 26 ou 27. C'est peut-être la 27e édition. Ouais. C'est depuis 92, le premier défi. Là, donc, mais comment c'est né? D'où est venue l'idée d'un tel défi? Le concours a été inventé par un enseignant de cégep qui s'appelait Yvon Fortin, qui est aussi le fondateur du Centre de démonstration en sciences physiques. Donc, cet enseignant-là a eu quelques bonnes idées, là, dont fonder le Centre de démonstration. En plus d'être un excellent vulgarisateur scientifique. Et oui, tout à fait. Puis, depuis ce temps-là, le concours a été repris et puis porté par toutes sortes de personnes qui l'ont très bien fait, puis est coordonné aujourd'hui à Québec, au Cégep Garneau, par le Centre de démonstration en sciences physiques. On coordonne le concours. Puis il y a toutes sortes de personnes avec qui on travaille, le comité directeur, un comité scientifique qui s'assure que le concours fonctionne bien. Puis à chaque année, le concours est accueilli dans un cégep différent. Uh-huh. Cette année, c'est à Chicoutimi que ça va avoir lieu. Donc moi et Alexis et Mathieu, on se rend à Chicoutimi pour voir justement, pour participer au concours. Uh-huh. Pas moi, mais pour apprivoiser les lieux, j'imagine. Exactement. Mais en fait, quel était l'objectif initial de ce concours-là à l'origine? En fait, est-ce que c'était pour stimuler la créativité ou L'objectif, c'est d'offrir aux étudiants d'avoir une activité parascolaire dans laquelle ils peuvent s'impliquer, puis qui est scientifique. Ça n'existe pas tellement des concours de cette ampleur-là scientifiques pour les étudiants de cégep. Donc, on voulait offrir quelque chose de cette nature-là. Mais c'est aussi de voir les aspects pratiques des sciences. Là. C'est un défi où il faut fabriquer quelque chose. Donc, c'est vraiment... on met en pratique des idées scientifiques. C'est pas un concours oratoire d'exposé sur des théories. Non, c'est il y a un défi très concret. Il faut relever le défi puis utiliser la créativité pour relever ça. Ça permet toutes sortes de choses. Tout à fait, effectivement. Et en fait, comment se déroule le concours? Donc, c'est ça, ça se passe en deux étapes importantes. Il y a d'abord une finale locale qui est organisée par tous les cégeps. Il faut d'abord que les étudiants se mesurent entre eux dans le même cégep. OK, parce qu'il peut y avoir plusieurs équipes dans un cégep qui veulent présenter, tout qui à veulent fait. Participer. Okay. Comme cette année, on a eu 6 équipes là, qui ont participé au cégep Garneau. Puis, il a fallu déterminer qui était la meilleure équipe, puis la meilleure équipe. Eux, ensuite, vont représenter le cégep Garneau à Chicoutimi pour la finale nationale. Donc, c'est toutes les meilleures équipes de toute la province qui se mesurent entre eux cette fin de semaine. Et est-ce qu'il y a des règlements pour la constitution des équipes où les étudiants s'organisent comme ils veulent? Ils peuvent s'organiser comme ils veulent. Okay. Ben oui. Mathieu puis Alexis se sont choisis parce qu'ils se connaissent depuis longtemps. Oui, en fait, on est des amis de longue date, puis on a participé ensemble l'année passée, donc on savait... Puis vous aimez la science à la base. Oui, exactement. On est deux étudiants en sciences nat au bac international. Donc, les deux, on aime la science. Les deux, on aime faire ce genre de projet, puis on sait qu'on travaille bien ensemble. Ben oui. On veut tous les deux aller en génie, donc vraiment, ce concours-là nous aide aussi à se préparer pour ça, puis ça nous intéressait vraiment. Ben oui. Puis j'imagine que vous avez beaucoup de créativité et puis d'idées... Oui, absolument. On en reparlera plus tard avec... Mais oui, on a beaucoup d'idées, puis souvent, on développe dès le début. Dès que l'idée est présentée, on commence à développer, on commence à avoir des idées, puis à prototyper pour faire la machine. OK. Et pour revenir à Mathieu, en fait... donc, tu disais qu'il y avait des compétitions dans les cégeps même qui participent, en fait. En fait, souvent, il y a peut-être aussi des cégeps où il n'y a seulement qu'une équipe. Il y a des cégeps aussi, probablement, qui ne présentent rien aussi, j'imagine. Oui, c'est la participation varie aussi selon la difficulté du défi à chaque année. Cette année, il y avait un bon défi à relever. Il faudrait savoir combien de personnes vont participer et tout ça. D'ailleurs, on pourrait en parler du défi, juste pour que les gens soient au courant. C'est un défi, ça s'appelle « Au quart de tour » cette année. Oui. C'est de fabriquer un engin... qui est propulsé par l'énergie potentielle gravitationnelle. Ça, c'est une masse, une charge qui doit... Qui va tomber, là, d'une façon ou d'une autre. Là. Ouais. Ah, puis, durant cette chute-là, doit faire tourner quelque chose ou, bref, doit faire avancer la machine. Au lieu de mettre de l'essence dans la voiture, on met une masse qui descend. Ou une batterie, c'est ça. Exactement. Ouais. Donc, c'était le défi de cette année, faire avancer quelque chose, la faire tourner. OK, il faut tourner en plus. Okay. Donc, la machine doit faire le plus de quarts de tour possible avec une charge qui descend. Le plus de tours possible, mais je veux dire, c'est mesuré par quart de tour, mettons, le succès, c'est ça? Exactement. Puis le pointage est déterminé par le nombre de quarts de tour qui sont faits et aussi par le temps que prend la machine à faire le premier tour. Donc, premier. Plus la machine va faire le premier tour rapidement, mais plus l'équipe va avoir de points et de chances de gagner. Donc, il y avait ces aspects-là à optimiser. C'est ce à quoi devaient s'attaquer les participants. OK. Et le temps, il est mesuré avec assez de précision, j'imagine? Oui, exactement. C'est un... Nous, on le mesurait avec des chronomètres au cégep Garneau, mais je crois qu'à la finale nationale, ils vont avoir des lasers pour mesurer tout ça. Ça va être précis. Donc, finalement, il y a des finales régionales et ensuite, il y a la finale de la province. Ouais. Et puis, il y a une équipe gagnante. Est-ce que ça ne doit pas arriver des fois qu'il y a des deux gagnants et que c'est court? Il y a toujours une façon de départager les équipes avec un paramètre ou un autre. Par exemple, le véhicule le plus pesant peut être... défavorisé lorsqu'il y a une égalité, quelque chose comme ça. Il y a plein de petits règlements qu'on n'énumérera pas là, mais aujourd'hui, mais il y a plein de petits règlements comme ça qui permettent de départager les gagnants. Et est-ce qu'il y a un nombre limite de participants aussi par équipe? Ou... C'est 3 maximum par équipe. 3 maximum? Oui. OK. Et simplement par curiosité, est-ce qu'il y a autant de filles que de gars qui participent? C'est une bonne question. Dans ma compétition au Cégep Garneau, on a souvent beaucoup de filles qui participent. Je dirais peut-être pas qu'il y en a autant que de gars, parce que c'est le genre de concours qui attire quand même beaucoup de gars, mais c'est favorisé, encouragé, puis c'est une belle chose d'intégrer. Ben oui. Tout à fait. Et je me tourne maintenant vers nos étudiants. En fait, on les a présentés tout à l'heure, Alexis Anger et Mathieu Verville, qui ont aussi vécu Science on tourne et qui s'apprêtent à le vivre encore. Alors, qu'est-ce qui vous attire dans ce concours-là? Qu'est-ce que vous recherchez comme participant? Je dois dire que ce concours-là, ça m'attire beaucoup parce que moi, j'ai beaucoup d'intérêt en ingénierie. C'est dans ça que je vais aller plus tard. Okay. Et puis, c'est le seul concours de niveau collégial qui permet vraiment de développer ces capacités-là. C'est le seul concours de sciences de ce niveau-là, de cette échelle-là. Puis vraiment, c'est ça qui m'attirait beaucoup dans le concours. Moi, je l'ai fait pendant 3 ans. J'ai fait mon cégep en 3 ans. Puis je l'ai fait de la première année à maintenant. Donc vraiment, ce concours-là, c'est l'attrait de développer une machine puis de vraiment résoudre un défi. C'est un bon défi. Ça, c'est ça qui vous stimule. Oui, vraiment, c'est ça. C'est stimulant. C'est vraiment... c'est très motivant, puis ça permet d'ajouter ça, cette espèce de compétition-là, l'aspect compétitif, qu'on n'a pas tant que ça dans nos cours. Oui, il y a l'aspect de compétitionner contre les autres, mais vraiment de présenter une machine puis de la comparer à d'autres mondes, j'aime beaucoup de faire ça. Un projet concret, là. Exact, oui, vraiment. Oui, donc vraiment de faire un projet, on part tout simplement d'une idée, on doit monter l'idée, on doit mettre l'idée sur pied, on a un cahier des charges, on sait que notre machine doit respecter telle et telle et telle contrainte, on met vraiment sur pied une machine du début à la fin jusqu'à ce qu'on concrétise la machine, qu'on la construise, qu'on apprenne à l'opérer par nous-mêmes. Donc ça se rapproche vraiment de la tâche d'un ingénieur dans la vie réelle. Puis pour moi et Alexis, comme il l'a dit, nous deux on veut devenir ingénieur plus tard, donc c'est vraiment un projet qui c'est un gros plus par rapport à nos cours au Cégep. Donc effectivement, il faut vraiment penser finalement en fait à respecter les règles en fait de ce qu'il faut construire. Donc effectivement, il y a un paquet de petits défis à relever. Là. Par exemple, pour que ça tourne, effectivement, il faut que ça ait quasiment un angle ou encore ça prend quelque chose qui va faire tourner et non aller en ligne droite. Donc il y a plein d'idées qui peuvent être mises de l'avant pour essayer. Mais aussi, j'imagine qu'il y a une phase d'essai-erreur là, quand vous concevez votre module, vous devez faire des essais puis corriger au fur et à mesure. Ah oui, je dois dire que surtout au début, la phase d'essai-erreur est très longue. Puis souvent, les équipes, ils se prévoient pas assez de temps pour faire ça, puis ça les rattrape. Okay. Ils font leur machine un peu dernière minute. Je dois avouer, c'est un peu ce qu'on a fait cette année. On s'est pris un peu dernière minute pour faire notre machine. Okay. Contrairement à l'année passée. L'année passée, on l'avait fait, on avait commencé à prototyper puis à vraiment faire une machine physique dès que le défi a été annoncé. Okay. Et puis, on a dû changer de design complètement après quelques temps parce qu'on s'est rendu compte que ça marcherait pas. Okay. Donc vraiment, c'est ça, ça aide de commencer vraiment tôt puis de prototyper beaucoup pour développer la machine parce que souvent, quand on a une idée puis on essaie de la concrétiser après, souvent c'est tout parfait dans notre tête, c'est tout parfait en théorie, mais quand on vient pour la faire en pratique, c'est difficile de traduire ça dans le monde réel, cette idée-là qu'on a dans notre tête. Donc vraiment, de l'essayer puis de voir comment ça fonctionne, c'est très important dans ce défi-là. Tout à fait. Et vous avez déjà participé, même gagné, en fait, 2 années consécutives à la finale locale de sciences, oui. Mais en fait, si je peux le préciser, c'est les champions en titre. Ils n'aiment pas ça quand je dis ça. Mais c'est les champions en titre. Donc, cette année, ils vont défendre leur titre de grand gagnant. L'année passée, c'était les gagnants du défi de Science on tourne. Okay. Donc, cette année, ils reviennent. Puis, ils ont encore gagné la finale locale à Garneau. Okay. Et puis, ils se rendent à Chicoutimi cette fin de semaine pour défendre leur titre. Oui, je dois dire que ça met beaucoup de pression quand on nous nomme comme ça. Là. Surtout considérant que cette année-là, on a eu beaucoup moins de temps à mettre avec les études et tout ça. Donc, Mais comment vous vous sentez après ces victoires? Vous devez quand même être fier. Ben, il y a une partie, une partie de fierté, dans le sens où on est content que notre machine ait réussi et tout ça. Puis il y a une partie, comme notre machine, c'est énormément de travail, je dirais que c'est surtout de la fierté par rapport au fait qu'on est... Oui, on est content d'avoir eu la meilleure machine, mais on est surtout content d'avoir eu, après tant d'heures de travail, d'efforts mis, d'avoir une machine qui fonctionne, d'avoir eu un résultat concret, vraiment d'avoir eu un résultat qui fonctionne, pas seulement d'avoir eu le meilleur, mais vraiment d'en avoir eu un autre résultats qui fonctionnent. Oui, puis j'imagine aussi, vous devez être content d'avoir acquis des connaissances, puis en fait d'avoir fait valoir votre débrouillardise, puis aussi votre collaboration pour travailler en équipe aussi. Parce qu'en fond, ça prend tout ça aussi. Quand, oui, la collaboration en équipe, oui, vraiment, c'est de quoi qu'on a eu à travailler surtout, parce que parfois c'est difficile, tu sais, des certains conflits avec d'autres membres d'équipe. Oui. Là, on a eu beaucoup ça l'année passée aussi. On était ça, c'est humain, ouais, là. Oui, c'est humain, c'est sûr. On était trois l'année passée, puis souvent, ça allait moins bien un peu, mais vraiment, parfois, c'est difficile aussi de voir avec qui s'y mettre. Puis je suis sûr que différentes équipes ont eu vraiment de la misère avec ça, sûrement plus que nous aussi. Est-ce qu'il y a même des équipes, des fois, qui finissent par se rompre parce qu'il y a trop de divergences d'idées? Je dois dire que je ne sais pas, parce que probablement que ces équipes-là, on ne les voit pas jusqu'au bout. Justement, c'est dur de savoir. Ça doit probablement arriver, parce que c'est plus difficile qu'on le pense de travailler en équipe comme ça pour produire un engin, là, une machine qui va finir par fonctionner. Là. C'est beaucoup d'étapes, c'est beaucoup d'heures de travail. Puis souvent, c'est dur de travailler avec quelqu'un aussi longtemps. Surtout que dans ce défi-là, il n'y a pas de chef d'équipe. Donc, on doit nécessairement arriver à un consensus. C'est si, vrai. Par exemple, on est deux, puis qu'on n'est pas en accord, puis qu'on n'arrive pas à trouver de solution, puis à s'entendre, ben c'est terminé. Là, on n'est pas. Il n'y a personne qui tranche de façon officielle. C'est un fait, hein, effectivement. Mais est-ce que ça vous demande un gros investissement en temps, ça? Est-ce que chaque coéquipier a des tâches qu'il doit réaliser? Ça, c'est. Chaque équipe se divise les tâches comme ils veulent. Donc. En général, nous, on a préféré faire les choses ensemble. On se divisait pas vraiment les tâches. Quand on avait une tâche à faire, on la faisait ensemble pour qu'elle soit faite plus rapidement. Puis qu'il y ait plein d'idées aussi différentes. Soit, justement, ça nous permet peut-être de confronter nos idées. Si Alex avait une idée, je pouvais exprimer mon point de vue, dire que j'étais pas d'accord, et vice versa, lui pouvait dire qu'il était pas d'accord à mes idées, m'expliquer pourquoi. Ça faisait des discussions plus débattives, puis ça permettait au final d'avoir des idées plus développées, puis plus peaufinées. Et puis, est-ce que votre expérience de l'année dernière vous a aussi amené vers une préparation différente pour cette année? Je veux dire, est-ce que ça vous a aidé à, comme vous dites, vous êtes peut-être fait un peu prendre, là, vous avez commencé trop tard cette année? Oui, on a commencé un peu trop tard cette année. Je ne sais pas si c'est de la confiance d'y aller passer, peut-être un petit peu. Probablement mélangé avec un manque de temps. Mais je dois dire que cette année aussi, une bonne partie de la... Parce qu'un des gros défis dans ce concours-là, c'est de construire une machine qui est solide, qui est bien faite. Parce que nous, on n'a pas une formation pour construire des objets, vraiment. Puis on n'a pas beaucoup d'outils techniques pour construire. T'sais, on n'a pas de grosses machines qui permettent de couper des pièces de métal, par exemple, des choses comme ça. Puis vous n'avez pas de budget, j'imagine, là? Il faut financer ça nous-mêmes. Okay. Donc, il faut espérer gagner un prix après. Mais c'est ce qui finance notre machine. Mais vraiment, c'est ça, il faut investir nous-mêmes là-dedans. Et puis souvent, c'est ça qui est difficile. Puis bref, cette année, on a vraiment plus préparé d'avoir une machine qui est mieux faite, une machine mieux conçue avec... On a utilisé de l'impression 3D cette année. Donc, contrairement à l'année passée, où on découpait des pièces de carton puis des trucs comme ça pour faire notre machine, cette année, on a vraiment pris de l'impression 3D puis on a fait la machine mieux, selon moi. Okay. Mais malgré l'impression 3D, ça a quand même fini que par l'essai-erreur, souvent, on se rend compte que notre machine... fonctionne pas pour telle ou telle raison. Puis dans ce défi-là, il y a énormément d'improvisation. D'imprévu. Exactement. Aussi. Donc on doit comprendre, un coup qu'on a construit la première version, comment réparer les problèmes de la machine, comment modifier la machine. Puis à ce moment-là, l'impression 3D peut pas nous aider parce qu'imprimer une pièce en 3D, c'est excessivement long. Donc doit encore une fois avoir recours au carton, à la colle chaude, ce genre de ressources-là. Ouais, c'est ça, je dois ajouter. L'impression 3D, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus qui est utilisé. C'est permis, tout à fait. C'est quelque chose qui est accessible aujourd'hui en 2019, mais le bon vieux duct tape leur a été pas mal utile aussi. Là, c'est, je dirais que c'est les deux technologies les plus utiles pour leur machine. Et quel a été votre plus grand défi cette année dans la réalisation de votre engin avec le défi proposé? Je dirais que Il y a deux parties principales. La première partie principale, c'est de concilier les deux critères qui sont évalués dans le calcul des points. Soit faire le premier tour le plus rapidement possible, puis faire le plus de tours possible, parce que pour augmenter le plus possible le nombre de tours en fonction d'une certaine énergie potentielle qu'on peut avoir, on doit faire avancer la machine le plus lentement possible. Ce qui veut dire que la machine doit avancer le plus rapidement possible sur le premier tour, puis ensuite aller le plus lentement possible sur les tours qui vont suivre. Fait que ça, c'était la première chose qui était complexe. Le premier défi. Pour résoudre ce problème-là, il faut avoir une machine qui est plus complexe, généralement qui va avoir deux vitesses ou ce genre de solution-là, ce qui amène énormément de complexité à la machine et donc énormément de possibilités de bris. Puis le deuxième problème, c'est que cette machine-là nécessite d'avoir une machine qui est très haute, qui est très lourde dans le haut de la machine, qui est pas large puis qui accélère rapidement. Okay. En tournant. Donc, ça fait une machine qui tombe très, très, oui, très facilement. Effectivement. Parce que le centre de gravité. Exactement. Est c'est pas une machine qui est stable du tout, du tout. Justement, plus là. Mais le truc, c'est que nous, notre concept, en tout cas, c'est d'avoir une masse qui descend, attachée à une corde. C'est ça. Puis qui descend. Puis la corde est enroulée autour de l'axe des roues. Puis quand la masse descend, ça déroule la corde, puis ça fait tourner les roues. Donc, c'est ça notre concept cette année. Et puis, la difficulté, justement, comme mon collègue l'a dit, c'était beaucoup de. D'avoir une masse qui était située haut, comme ça, elle peut descendre beaucoup, elle peut dérouler beaucoup de cordes, puis elle peut faire avancer beaucoup la machine. Mais le problème, c'est que quand on essaie de faire tourner comme une tour, si on veut, autour d'un cercle très rapidement, ben évidemment, elle va tomber sur le côté, puis il a fallu réduire la hauteur de la machine justement pour ça. Il a fallu réduire la masse qu'on accrochait en haut, donc on réduit l'énergie qu'on peut emmagasiner dans cette masse-là. Ah ben oui, hein? C'est un fait. En quoi Science on tourne a bonifié votre parcours scolaire au cégep? Le parcours scolaire au cégep, souvent, il focus pas beaucoup sur cette idée-là, en fait. L'idée ce qui de, est pratique. Ce qui est pratique. Ce qui est appliqué. Faire un projet, créer une machine. Qui est appliqué. Exactement. C'est pas seulement la théorie. C'est sûr qu'il y a de la théorie, ensuite, mais l'appliquer, c'est autre chose. L'appliquer, c'est autre chose. Puis nous qui voulons aller en ingénierie, souvent, les cours sont beaucoup plus théoriques. Oui, il y a des laboratoires au cégep où on essaie pratiquement de voir la science. Souvent, il n'y a pas cet aspect-là qui est de construire quelque chose qui est vraiment plus lié à l'ingénierie. On n'a pas vraiment ça créatif, dans nos cours. La partie créativité, souvent, on va avoir un protocole de laboratoire, on va suivre le protocole, mais on ne va pas avoir à développer quelque chose de nous-mêmes, c'est partir complètement d'une idée qu'on a développée nous-mêmes, puis vraiment construire quelque chose. C'est quelque chose qu'on trouve beaucoup moins au cégep. Puis l'autre chose, moi personnellement, qui n'est pas le cas pour Alexis, mais moi, ma première participation au concours a guidé mon choix de carrière. C'est ce qui a fait en sorte que j'ai décidé d'aller en mécatronique à l'université. Donc c'est vraiment le fait, parce qu'au cégep, on n'a pas appris à travailler avec l'électronique, on n'a pas appris à travailler avec des microcontrôleurs, tout simplement parce que c'est pas dans le cadre de notre programme. Mais de faire ça pour le projet de l'an passé, ça m'a donné la piqûre, j'ai vraiment adoré faire ça. Puis c'est ce qui m'a donné le goût de poursuivre là-dedans à l'université. Donc. Et pour terminer, quel conseil auriez-vous à donner à de futurs participants en Science on tourne? Selon moi, les futurs participants en Science on tourne, ils doivent vraiment savoir que c'est important de se préparer tôt, dès le début, de commencer à préparer leur machine, puis de ne pas se dire « on va avoir le temps plus tard, on peut attendre un mois encore ». Non, il faut vraiment commencer dès le début. Puis aussi, avoir une... plus de temps que prévu. Ça prend vraiment parce qu'il va tout le temps avoir quelque chose qui brise ou quelque chose qui ne fonctionne pas comme prévu. Puis l'autre partie, justement, c'est pour avoir le moins possible de choses qui ne se passent pas comme prévu, c'est d'avoir une machine le plus simple possible. Plus l'idée... C'est mieux d'avoir une idée simple, mais bien faite, qu'une idée très, très complexe, mais qui est faite tout croche puis qui ne fonctionne pas au final. Ben oui, parce que plus que c'est complexe, plus il y a de danger que ça marche pas. Plus il y a de chances que ça brise en cours de route, pendant le transport, pendant l'entreposage. Monsieur Riopel, est-ce que tu fais partie du jury, toi? Je suis pas dans le jury, je m'occupe de la compétition locale au Cégep Garneau, mais cette fin de semaine, je m'en vais les encourager les supporter pendant la journée samedi, donc c'est pas une grosse tâche que j'ai, c'est pas sur moi que repose la pression, mais c'est impressionnant à voir comme spectacle. D'ailleurs, s'il y a des gens à Chicoutimi cette fin de semaine, c'est ouvert, je crois les gens peuvent se présenter. Vous pouvez aller voir sur le site web, la page Facebook de Science on tourne ou le site web Science on tourne pour avoir de l'information par rapport à ça. Et est-ce que c'est télédiffusé en direct ou ça l'a pas déjà été, ça? Il y a habituellement une émission ou des clips vidéo qui sont diffusés sur le canal Savoir quelques temps après la compétition. Là, c'est pas en direct. Pas en direct, OK. Non. Donc, évidemment, pour suivre ça en direct, il faut y aller. Et puis, j'imagine que des gens comme moi, on peut aller observer ça, en fait, Oui, tout à fait, tout à fait. Okay. Vous pouvez vous rendre à Chicoutimi. Au cégep de Chicoutimi. Au cégep de Chicoutimi. Bon, ben écoutez, merci d'être venu nous faire vivre un peu de ce concours. Et il nous reste tout simplement qu'à vous souhaiter très bonne chance en fin de semaine. Merci beaucoup. Alors, nous étions en compagnie de Mathieu Riopel, enseignant en physique au Cégep Garneau, et d'Alexis Anger et de Mathieu Verville, deux étudiants prêts à prendre la route pour Chicoutimi pour la finale nationale du concours Science on tourne. Petite pause et changement de décor complet puisqu'on parle des navires et de leurs déchets organiques. Restez avec nous.